de suite sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio coups humains, un thème et 4 épisodes à 17h et même à 23h. Cette semaine, Il était une fois le roman, une série de Christelle Le Polotec réalisée par Nathalie Battus. Au départ de cette série, il y a des romans diffusés à des millions d'exemplaires, de ceux qu'on se passe, qu'on se refile et qu'on s'arrache, et qu'on finit au bout de la nuit avec les yeux qui piquent sans pouvoir s'arrêter de tourner les pages. Alors pour commencer, les personnages. Un écrivain qui compose, une arrière-petite fille qui fait le guide, une chercheuse admirative, une autre qui démine, un auteur qui décrypte, un autre qui cartonne, une éditrice qui dit les choses et un auteur confiant. Ensuite, le décor. Des recettes, une cabane à lapins, soi-disant, la littérature industrielle, des best-sellers, YouTube, une suite d'hôtels, l'artisanat, le succès, l'Académie française et Pimpin, le chien. Aujourd'hui, 4e épisode, parfois on est trop content. Vous vous rendez compte, j'ai 59 ans et je joue. Je joue. Marc Lévy. Il y a un de vos confrères qui a un jour interviewé Marcello Mastroianni, qui lui dit « ça doit être quand même dur le métier d'acteur ». Et Mastroianni lui dit « mais qu'est dur !» Vous vous rendez compte, moi, mon travail, je joue. Ce qu'il y avait sur tous mes bulletins, et qui me valait d'ailleurs de très mauvaises notes, il y avait marqué « élève rêveur ». Vous vous rendez compte, j'en ai fait mon métier. Quelle victoire! Je n'avais pas prévu de vous raconter ma vie. Virginie Grimaldi. Le seul moment où je parle de moi, c'est lorsque je suis contrainte. Même chez le coiffeur, mes lèvres restent closes. Vous vous rendez compte, j'ai 59 ans, je joue. Je menais jusqu'ici une existence classique, je ne veux pas dire monotone. Je ne m'en plains pas, bien au contraire, mais une algue d'aquarium avait une vie plus palpitante que la mienne. Dans les événements marquants de l'année écoulée, je peux citer la perte de mon jeton de chariot au supermarché et le décès de l'araignée de la chambre jaune, de mort naturelle. Rien qui justifie une autobiographie, vous en conviendrez. Vous vous rendez compte, j'en ai fait mon métier. Quelle victoire! Le triomphe du best-seller, Christelle Le Polotec et Nathalie Battus. Il est très facile d'écrire des romans. Enfin, naturellement, il y a beaucoup de gens désagrégés. Je ne sais pas si M. Roland Barthes, par exemple, serait capable d'écrire un roman. Hélène Bessette. N'est-ce pas? Mais il est très facile pour un certain nombre de gens qui sont ou licenciés ou agrégés, n'est-ce pas, d'écrire des romans. Les femmes en particulier sont d'excellentes élèves. Elles sont souvent brillantes en dissertation. Et par exemple, chez Gallimard, cette honorable maison à laquelle j'appartiens jusqu'ici, il y a beaucoup de femmes qui sont éditées. Parce qu'il n'y a pas de risque avec les romans de femmes. Ils sont brillants, on peut en parler. Ils ne sont pas hors du sujet mode. Ils sont une réussite en quelque sorte. Ce n'est pas en réalité de la haute littérature, comme on le prétend, c'est de la lecture. Si l'on en croit les nombreux guides destinés à écrire des best-sellers, ce n'est pas très compliqué. Et le plus important, c'est la première phrase. Elle doit contenir une prise de décision qui déclenche une action, deux personnages et une référence à leur lien relationnel, un conflit à l'horizon, des mots simples et faciles à lire, une voix crédible qui fait autorité. Mais ce que ces guides omettent de dire, c'est que pour un romancier, écrire un best-seller peut être une catastrophe. Comment s'accommoder, après avoir vendu plus de 500 000 livres, à des tirages de plus en plus maigres, 10 000, 5 000, 2 000 exemplaires? À l'inverse, et peut-être pire encore, comment survivre à l'étiquette infamante d'auteur à succès? Martine Leblond-Zola, vous êtes l'arrière-petite-fille d'Émile Zola et vous nous recevez ici, donc... dans la maison de Médan, avec le train derrière. Que je reprenne. Il y en avait un deuxième. Vous Micheline. Les temps de soleil, il y avait presque 300. Face à Sainte-Beuve ou à Flaubert qui s'inquiète de l'industrialisation du roman au XIXe siècle, Zola assume ses ventes pharaoniques. Pour lui, la littérature doit s'adresser au vaste peuple de la République. Il est encore aujourd'hui dans le top 10 des auteurs classiques les plus vendus. Alors pour revenir aux origines du best-seller, c'est donc au musée Zola Dreyfus à Meydan, qui ouvrira ses portes en septembre prochain, que nous nous sommes rendus. Voilà, donc nous sommes effectivement dans le jardin de la propriété de Zola. Zola a acquis une petite maison qu'il aimait à dire sa cabane à lapins en 1878 et qu'il a agrandie en fonction de ses succès littéraires. Il a construit cette aile carrée au sommet de laquelle était son cabinet de travail qui dominait toute la vallée de la Seine. Il a écrit 12 romans de sa série des Rougon-Macquart dans ce cabinet de travail. Il écrivait tous les matins de 9h à 13h et il rédigeait 4 pages de manuscrits. Sylvie Ducas. Il était incroyablement moderne, Émile Zola. C'est quelqu'un qui avait tout compris, effectivement, de l'importance, par exemple, de la figure de l'auteur dans le phénomène du best-seller. C'est-à-dire qu'il fallait qu'il y ait un auteur sur lequel les lecteurs en masse puissent se projeter. Et c'est quelqu'un aussi qui accompagnait, qui était un vrai... il faisait sa promotion. Enfin, il assurait la promotion de sa personne, sa visibilité médiatique. Donc c'est quelqu'un qui avait, je pense, avant que ce ne soit généralisé, pressenti ça. Ouais. Et puis qui avait des approches, voilà. Je vous disais, partage entre un auteur, le best-seller, c'est le partage entre un auteur et ses lecteurs, d'une certaine vision du monde qui leur parle. Il parle de la misère des ouvriers, il parle de l'alcoolisme, donc ça ne peut que... Je dis pas que son talent est du cassin, hein. Mais c'est un précurseur pour moi, Zola. C'est quelqu'un qui a compris l'importance qu'on rentrait dans l'ère médiatique et qu'il fallait absolument accompagner les livres, les textes, avec un engagement de sa personne comme auteur, ce qu'il a très bien fait. Marie-Ève Terenti. Aujourd'hui, on commence à parler de best-seller à partir de 100 000 exemplaires vendus. Et c'est les chiffres qu'en général on admet, même s'il n'y a pas de règles fixes, qu'on admet dans le milieu éditorial. Je pense que, en fait, alors c'est ce que je défends en tout cas, pour que la notion de best-seller arrive vraiment, il faut aussi considérer qu'il y a un classement, en fait. Un classement, un hit parade des livres. Donc moi, je serais quand même plutôt pour qu'on considère qu'il y a best-seller à partir du moment où il y a ces classements. Et donc c'est plutôt dans les années 50, avec par exemple les premières parutions en France. Aux États-Unis, c'était déjà depuis le début du siècle. Dans l'Express, par exemple, on commence vraiment à voir surgir cette idée. Alors, le vocabulaire, le lexique même de best-seller, il surgit à ce moment-là en France. Et puis aussi, on voit surgir une idée qu'il y aurait une nouvelle hiérarchie qui vient concurrencer la hiérarchie légitime. Que l'écrivain qui vend beaucoup, finalement, il faut aussi le considérer comme un grand écrivain. Alors, en tout cas, c'est ce que fait la presse. Hein. C'est pas évidemment défendu par l'université, forcément, par exemple. Hein. Mais ça, pour moi, c'est plus tardif. Donc, cette idée d'une hiérarchie, elle intervient plutôt au XXe siècle. Donc, avant, on a des romans qui se vendent effectivement beaucoup. Et puis aussi, on a des long-sellers, c'est-à-dire des romans qui se vendent pas tout de suite, mais qui mettent un petit peu plus longtemps à se vendre et qui finissent par atteindre des grands tirages. Nous roulons protégés dans l'égale lumière, au milieu de collines remodelées par l'homme. Et le train vient d'atteindre sa vitesse de croisière. Nous roulons dans le calme, dans un wagon Alstom. La peur de la littérature industrielle, c'est Sainte-Beuve, c'est les frères Goncourt, ceux qui vont créer le prix Goncourt d'ailleurs, hein, qui est quand même l'instrument par excellence de cette industrialisation des lettres qu'ils refusaient. Mais je pense que leur erreur, puis je ne fais que reprendre les thèses de Jean-Yves Mollier, historien du livre, c'est que l'industrialisation des lettres, elle n'est pas venue, comme ils le pensaient, de la presse, elle est venue de l'édition, c'est-à-dire de ce qu'on appelait la librairie au XIXe siècle, qui se transforme en maison d'édition, rationalisée, etc. Et le livre vient concurrencer le journal dès la... c'est le dernier tiers du 19e siècle que naît l'industrie du best-seller façon livre, c'est-à-dire pour concurrencer justement le journal. Les prix vont être cassés, le prix du livre était très cher encore, et c'est à la, dans le dernier tiers du 19e siècle que des éditeurs comme Charpentier, Lévy, etc. vont casser leur prix par 15, ce qui est énorme, et créer des collections populaires, alors de mauvaise qualité, mais où vous avez tous les classiques. Alors, à la fois les best-sellers du journal, mais aussi des tas de classiques de la littérature qui sont vendus pas cher dans des petites collections accessibles pour tout le monde. Voilà. Et après, c'est aussi le génie de Louis Hachette qui invente les bibliothèques de gare au moment où il y a la grande révolution industrielle, les grandes révolutions industrielles du 19e, création des chemins de fer. Il copie les Anglais et il met des petites bibliothèques qui ressemblent presque à des armoires qu'on ouvre et où il y a plein de livres. Hein, c'est très drôle de voir les premières. Et qui va développer, voilà, là, qui va lancer des collections pas chères. La bibliothèque rose, les bibliothèques de la terre. Louis Hachette, c'est bibliothèque des chemins de fer, bibliothèque rose, la verte, il y a 7 couleurs, il y a 7 types de livres qu'on met dans la poche qui coûtent pas cher. Le métal, le verre, nous roulons lentement et nous rêvons du vide. Ça va être le sacre de l'éditeur. Autant ça a été le sacre du journal jusqu'à en plein milieu du 19e siècle. Et ensuite, le relais est pris par l'édition. L'édition, et qui, elle, très très vite, dès la fin du 19e, début 20e, c'est on veut faire de la littérature un événement, on va créer les prix, et les prix vont devenir des turbines à best-seller. Dès les années 20, on a la barre des 100 000 exemplaires vendus, alors qu'à l'époque, un livre qui faisait, je sais pas, 8 000 exemplaires, c'était déjà un très grand succès. 100 000, on passe dans les années 20. Par exemple, Gallimard, qui a été un rafleur de prix, le plus grand rafleur de prix devant l'Éternel. Gallimard rafle les prix, mais pour se permettre ce qu'on appelle en jargon littéraire la péréquation. C'est-à-dire, je peux faire comme ça une politique d'ouvrage de qualité, qui se lit peu, qui se vend mal, je peux soutenir une littérature et des auteurs sans qu'ils vendent. C'est sur ça qu'a marché tout le XXe siècle de l'édition. C'est clairement sur cette péréquation-là. Maintenant, je pense qu'on est dans une best-sellerisation à tout va, pour d'autres facteurs. C'est-à-dire que le XXIe siècle, c'est la best-sellerisation mondiale, quoi. Ah oui. Oui, alors là, nous sommes vraiment dans la partie originelle de la propriété, la fameuse cabane à lapins qu'il a acquise grâce au droit d'auteur de l'Assommoir. Oui, qui appelait ça une cabane à lapins, mais c'était une demeure paysanne de 1830. Voilà, qui avait un petit bout avec un étage. Bon, il y avait un grenier, en fait, une maison très simple. Et il disait d'ailleurs qu'il avait acheté un asile, un modeste asile champêtre, qui avait été payé par la propre littérature. Et vous, on va marcher sur les pas de. On est encore notre champ littéraire, il est aussi très structuré par cette idée de l'artiste maudit, celui qui ne vend pas, etc. Et sur cette idée que quand on vend, en quelque sorte, on est déjà dans la prostitution. Marie-Ève, Terenty. Et donc, en fait, ça naît à ce moment-là. Peut-être d'ailleurs, effectivement, c'est lié à l'essor du journal. Et la société a du mal à se débarrasser, en fait, ou à revenir sur cette idée. Même si, c'est ce que je disais, l'idée du best-seller, justement, ça fait surgir, en fait, une légitimité concurrente qui s'exprime dans les classements. Alors après, et les journalistes sont souvent divisés sur l'idée, est-ce que le chiffre de vente, c'est un critère de légitimité ou pas? De quoi vais-je vous parler? D'équitation, de MMA, du free fight, le saut en parachute, le triathlon, la littérature. Je vais vous parler de littérature. Êtes-vous prêt pour le top 10 des livres préférés de Cyprien? C'est parti. Avant même de vous parler du numéro 10, j'aimerais juste préciser que ce sont pas des livres pointus, ok? C'est des livres très connus. Et celui-ci particulièrement, c'est la méga base. Je viens vous parler de Harry Potter. J.K. Rowling, elle est incroyable dans toute son aventure, comment elle a créé ses personnages et son monde. Et en fait, je trouve ça hyper généreux d'avoir créé comme ça des ados qui grandissent et qui nous forgent en quelque sorte. Ça m'a créé une sorte de vie à côté qui est faite de magie avec tous ces personnages-là. Donc je trouve ça ouf. Bien sûr, tout le monde connaît parce qu'il y a les films, les parcs d'attractions, les jeux vidéo, ce que vous voulez. Mais quand même, l'œuvre originale, elle est absolument incroyable. C'est très facile à lire. Si vous avez l'occasion, jetez-vous dessus. Et c'est bon. Ben, best-seller, c'est un livre qui à toute vitesse se met à vendre. C'est un livre, on a parlé de livre choc, c'est-à-dire qui atteint très très vite un pic fulgurant, des chiffres colossaux de ventes. Et c'est un livre qui obtient ses ventes en un laps de temps très très court. Et c'est un livre que tout le monde s'arrache. Là, c'est des centaines, voire des millions d'exemplaires. Enfin, de centaines de milliers d'exemplaires. Voilà, donc c'est. Mais ça peut aller jusqu'à plusieurs millions d'exemplaires vendus. Surtout si on replace ça dans le champ de ce qu'on appelle maintenant l'industrie culturelle du livre, avec ses éditions dérivées, les passages en traduction, livres de poche, etc. Puis la diffusion massive dans le monde pour les plus importants d'entre eux. Donc c'est des sommes, c'est des chiffres colossaux. Si vous voulez, dans les grandes maisons, on va vers le témoignage. En gros, c'est entre trash, people et Me Too. Enfin, c'est quelque chose comme Jean ça. Rouault. Et les romans romanesques, qui sont des best-sellers monstrueux, on n'en parle jamais. Et ce sont tous ces livres écrits par des femmes qui s'appellent Virginie Grimaldi, Aurélie Vallon, etc., qui font des cartons de dingue. Quand vous allez voir sur Amazon, elles ont 4000 commentaires. Et ce sont des vrais romans. Simplement qui sont pas les romans à l'eau de rose, comme même si ce sont des feel-good, ce sont pas des romans à l'eau de rose décontextualisés comme c'était chez Barbara Catland. Ce sont des romans, ce sont souvent des femmes qui sont mises en scène avec une difficulté, évidemment, ça peut être le chômage, abandonné, enfin, etc., qui se battent, etc., et qui donc qui trouvent un écho formidable dans ce pays où tout le monde tremble pour le lendemain, avec la peur de chômage, etc. Et donc vous avez ces livres qui ont, c'est comme le Darknet. En fait, je m'étais intéressé à ces livres-là. C'était une fois à Limoges, il y avait une queue mais extraordinaire de pour les signatures comme ça, et c'était donc Virginie Grimaldi, et donc je demande qui est cet auteur que je ne connaissais pas, et puis à partir de là je me suis intéressé à cette vague-là comme ça, et c'était massivement des femmes qui venaient signer, et la plupart tenaient le livre serré, mais comme un talisman, elles allaient à Lourdes, quoi. Donc on voyait bien que c'était autre chose qui était en jeu pour elles. C'est que, donc elles attendaient, ce qu'on a attendu jadis du roman, elles attendaient du roman une consolation, une parole. Dites-moi une parole et je serai guéri dans la messe. Et que donc, elles étaient là, il y avait un mouvement pieux comme ça. Et du coup, j'ai regardé, j'ai été voir sur Amazon, et il y a une dizaines comme ça, ce sont souvent des femmes. Alors après, on cite toujours Musso ou Bussy, mais ce sont ces femmes-là qui échappent complètement au radar et qui ont des tirages faramineux. Je pense que de l'université s'intéressera à elles dans 150 ans pour comprendre ce qui s'était passé à travers ces phénomènes éditoriaux. Mais si le roman, au sens où on l'entend, c'est-à-dire traditionnel, existe, eh bien il est de ce côté-là. C'est pas un univers homogène du tout. Par exemple, entre Catherine Pancol et Houellebecq, Marc Lévy et Fred Vargas, on n'est pas dans les mêmes. C'est pas les mêmes univers. Sylvie Ducas. Renforcés par Internet, c'est-à-dire des fanfictions qui sont récupérées par des éditeurs et qui en font des livres qui cartonnent. Donc là aussi, c'est encore une autre facette de best-seller. Donc c'est très compliqué parce que c'est un objet complexe qui n'est pas du tout homogène, mais qui se retrouve sur quelques critères qu'on a repérés. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils existaient déjà à l'origine du best-seller, si on considère que les romans feuilletons du 19e siècle, ce sont les premiers best-sellers. Et on va retrouver à peu près les mêmes ingrédients. Donc, c'est des livres qui ont une forte charge émotionnelle avec des héros auxquels le public va s'identifier en masse, même quand le héros peut devenir plus ordinaire. C'est pas Batman, hein, c'est pas le super-héros. Mais on a quand même une efficacité aussi du récit. C'est une dynamisation, une dramatisation du récit qui fait qu'on les dévore. Et puis, il y a des effets, alors selon les époques, mais il y a toujours des effets d'extraordinaire ou d'étrangement qu'on va trouver, par exemple, chez Lévy, un peu de surnaturel, un peu de, voilà, des quelque chose qui fait un petit peu décoller du sol, du réel. Et puis, on a surtout un auteur incarné qui partage avec ses lecteurs un discours sur le monde. Là, le plus exemplaire, moi, je dirais, c'est peut-être Houellebecq. Houellebecq qui joue sur les peurs, la transformation d'une France ou son effondrement, bon, qui joue sur des ressorts comme ça, qui font que même quand on n'aime pas, on se dit il a quand même raison. Vous voyez, donc une habileté. Moi, je pense que c'est vraiment des gens qui sont très habiles. Hein. C'est pas des, il y a de tout dans le best-seller, mais il y a rarement ce qu'on appelle méchamment la littérature de gare, c'est-à-dire vraiment un degré zéro du style et du récit. Non, là, il y a quand même quelque chose qui arrive à capter. Fermeture de porte. Alors, bien évidemment, il y a plein d'auteurs que j'ai pas pu rentrer dans un top 10. D'ailleurs, ce top 10 est voué à évoluer, hein, on sait pas. Il va y avoir d'autres livres qui vont arriver, qui vont aussi me marquer, me bouleverser. J'adore, par exemple, Stephen King, bien évidemment, Tolkien. En français, j'adore Daniel Pennac. Dans la science-fiction, Ray Bradbury, Richard Matheson, tout ça, c'est des gens qui sont incroyables, qui ont créé des histoires et des nouvelles absolument folles en science-fiction. En français, il y a Pierre Boulle qui a fait La planète des singes, ou Barjavel, voilà. Bref, beaucoup de livres que j'adore. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire aussi si vous voulez d'autres tops, par exemple, sur mes films préférés. Mes jeux vidéo préférés, mes mangas préférés, mes animés préférés, je ne sais pas. Et on se dit à très vite pour des sketchs et des fictions et ce genre de choses. Ciao ciao! Bang bang bang! Bonjour! Vous savez que c'est la première fois que j'interview quelqu'un dans une suite d'hôtel. Mais oui! Alors c'est vrai que vous êtes à New York, vous d'ordinaire, c'est ça? Moi j'habite à New York. Vous mettre sur le canapé, peut-être? C'est pas filmé, je peux tomber la veste. Je vais couper les portables. Vous êtes à Paris pour combien de temps? La semaine. La semaine? Ouais. Alors j'ai une première question que je pose à tout le monde. Marc Lévy, comment vous en êtes... c'est pas ça la question piège. Marc Lévy, qu'est-ce que c'est pour vous que le roman? C'est un chemin de liberté. C'est-à-dire, d'abord, c'est un rapport très intime entre une histoire et une personne qui en prend connaissance à un moment T de sa vie. Les romans entrent dans nos vies à un moment donné et provoquent en nous des émotions à un moment donné. Donc le roman, c'est à la fois un compagnon, c'est essentiellement aussi des personnages qui entrent dans vos vies, une histoire qui va avoir une influence sur votre façon de penser, sur votre façon de ressentir. C'est une ouverture vers le monde, c'est une ouverture vers les autres, vers des cultures qui sont différentes de la vôtre. Les romans qui ont marqué ma vie ont été des romans qui m'ont transporté dans d'autres vies que la mienne, qui ont ouvert mes horizons culturels, émotionnels, sensoriels, sensuels. Le roman, c'est à la fois... comment vous dire, un enseignement et en même temps une émotion très vive. Alors c'est très frappant, Marc Lévy, parce que vous êtes finalement le premier à nous parler, en répondant à cette question sur le roman, à nous parler de la réception du roman par les lecteurs. Ça serait ça peut-être votre spécificité, c'est-à-dire cette attention portée au lecteur, peut-être cette relation plus directe avec vos lecteurs. Ça serait là peut-être la différence. Il n'y a pas une réponse à cela, mais ça n'est pas le romancier ou l'écrivain qui répond à cette question, c'est le lecteur. Pour moi, la littérature, c'est le lecteur qui lui donne vie. Le roman. Michel Houellebecq. Le roman essentiellement est fabriqué par des îles, quoi. Des îles qui sont les personnages. Il y a aussi des romans à la première personne. Qui sont différents dans le sens que c'est pas vraiment un jeu de la biographie, c'est un jeu de la perception plutôt. Enfin, c'est le jeu particulier d'un être percevant avec sa manière de percevoir. Disons que dans un film, ce serait plutôt la caméra qu'un personnage, quoi, le jeu d'un roman écrit à la première personne. La figure de l'auteur, elle se rapproche de son lectorat. Par les réseaux sociaux, moi j'observe beaucoup ce qui se passe sur les réseaux sociaux, parce que c'est très intéressant de voir les stratégies des auteurs pour construire leur image ou fidéliser ou voir le retour qu'on fait sur des petits bouts de texte qu'ils mettent. Donc il y a vraiment une transformation, et c'est là où je parle d'auteur de proximité, c'est-à-dire que l'auteur se rapproche, revient d'ailleurs, même dans la littérature qui se lit moins, à une fonction sociale. À une fonction se remettant en enquêteur du monde pour en montrer la complexité. Donc il y a vraiment le grand écrivain, je crois qu'on est en train de sortir de la mythologie du grand écrivain qui s'est construite pour des tas de raisons sous la Troisième République. On avait besoin d'une icône sociale, c'était le grand écrivain, il avait son panthéon, il avait toute une cérémonie. Je pense qu'on est en train de sortir de ça. C'est-à-dire que la figure de l'écrivain, moi je dis méchamment qu'elle se rétrécit, mais c'est pas vrai. Elle descend de son piédestal et elle essaye beaucoup plus modestement d'être dans un rapport qui n'exclut plus son lectorat. Avant, c'était quand même l'idée du penseur qui délivre sa pensée à ceux qui ne savent pas penser. C'était quand même un peu ça le schéma du grand écrivain, mais ça c'est fini. On est en train d'entrer dans autre chose. Comment vous analysez-vous, Marc Lévy, le succès de vos livres depuis une vingtaine d'années maintenant ? Mais je ne l'analyse pas du tout. Et d'abord, j'ai jamais cherché à l'analyser. Ce serait très prétentieux. Oui, ça veut dire s'intéresser à soi-même, alors que la vie est beaucoup trop courte et que je préfère la consacrer à m'intéresser aux autres. Donc je ne l'analyse pas. Ce que je peux vous dire, c'est que la simplicité est très compliquée, au contraire de l'image que l'on peut en avoir, vous voyez, ou des préjugés. Je me suis toujours interdit une posture, et notamment celle de me regarder en train d'écrire. Et j'ai toujours travaillé en regardant uniquement ce que j'écrivais. Il y a des questions que je me suis posées à chaque fois que j'écris. C'est comment mériter le temps qu'un lecteur va consacrer à la lecture. Et la seule réponse à cette question, parce qu'il n'y a pas de réponse formelle, vous voyez, à cette question, d'abord c'est de faire son travail d'artisan avec une vraie sincérité. Et la deuxième, c'est de se poser une question en amont de chaque histoire, c'est moi je vais raconter une histoire, mais qu'est-ce que l'histoire raconte aux gens qui vont la lire. On peut aborder des sujets sérieux sans se prendre au sérieux. C'est ce que j'ai toujours essayé de faire. Je vais vous citer je vais vous donner un exemple, qui est l'exemple d'un auteur américain qui a été, pendant une très grande partie de sa carrière, vous voyez, peu considéré, jusqu'au moment où, justement, les universitaires se sont rendus compte que derrière ses livres, il y avait quelque chose qui avait échappé à la critique et qui était quelque chose qui constituait une œuvre littéraire. C'est Stephen King. Ah, c'est très intéressant l'œuvre de Stephen King, parce que Stephen King, il a été a priori tout de suite considéré comme un auteur de romans d'horreur, auteur de best-sellers. Bon. Et puis, les universitaires et puis les gens qui sont vraiment intéressés à son œuvre se sont rendus compte que derrière son écriture se cachait une extraordinaire peinture de la société américaine et de l'Amérique profonde. Et il y a, dans les romans de Stephen King, une richesse des personnages qui est absolument incroyable. Voilà un auteur qui a choisi, vous voyez, un moyen de raconter la société américaine qui a touché des centaines de millions de lecteurs dans le monde. Tu n'es pas Hemingway, mais ton histoire peut apporter un peu de bonheur aux gens qui la liront. Par les temps qui courent, c'est déjà pas mal. Depuis quelques années, Marc Lévy, on voit bien qu'il est à la recherche d'une nouvelle légitimité et que, petit à petit, il travaille beaucoup sa posture d'artisan. Marie-Ève, de la littérature, hein, le bon artisan contre d'autres postures. L'artiste maudit, évidemment, il peut pas aller du côté de cette image. Mais l'artisan contre le petit entrepreneur, hein. Il y a d'autres auteurs de best-sellers qui sont plutôt du côté de la petite entreprise, hein, la petite entreprise que je fais tourner, hein, le feel-good book, etc. Donc lui, il est plutôt comme Musso du côté de l'image de l'artisan, de celui qui travaille finalement ses livres. Et donc il y a une quête en fait d'une nouvelle légitimité. Moi, je pense que ce sont quand même des romans qui travaillent sur Je parlais de Métalepse, hein. C'est des romans où les personnages, où il y a d'abord une projection de l'auteur à l'intérieur du personnage, un travail sur très fort qui est fait aussi sur l'empathie que peut éprouver le lecteur pour les personnages, un travail aussi véritablement narratologique de commentaires, d'auto. Enfin, je suis assez frappée de ce travail méta-romanesque dans un certain nombre des derniers. Livre de Marc Lévy ou de Guillaume Musso qui est encore plus pertinent dans ce travail réflexif sur ce que fait le roman populaire à la littérature. Ils montaient dans l'appartement de Paul. Kyung se douchait avant de s'installer à sa table d'écriture pour le lire. Paul s'asseyait au pied du lit, face à elle, et l'observait. Il lui semblait alors que son appréciation du roman allait décider ou non qu'elle le rejoigne. Dans son cas, le « et plus si affinité » lui paraissait dépendre d'un « si j'ai aimé tes chapitres ». Pour cette raison, plus qu'un commentaire explicite de la traductrice à laquelle il devait une partie substantielle de ses revenus, Paul vivant de ses royalties coréennes, il guettait le moment où elle s'abandonnerait à leur intimité. Je comprends pas pourquoi on pense que je suis un auteur de best-seller. Comment vous dire ? Je n'ai pas arrêté de chercher de changer de genre. Je vous donne un exemple. Bon, mon premier roman est un de ces best-sellers inattendus. C'est, si c'était vrai, c'est une comédie qui a tous les défauts et toute la naïveté d'un premier roman. Mais vous avez cette forme de peut-être de prix à payer du succès. C'est que si votre premier roman est méconnu, ben on lui pardonne toutes les faiblesses et toutes les fragilités d'un premier travail. On lui trouve même une certaine tendresse. Mais s'il a le malheur de rencontrer un succès, le premier roman subit un jugement comme si c'était le fruit du travail de votre 20e roman. Ce qui est assez injuste parce que il faut avoir l'honnêteté de dire mais c'était mon premier travail, je débutais, j'étais un apprenti. Mon deuxième roman, c'est un roman qui se situe au Honduras en 1977 après un ouragan qui a fait 13 000 morts dans la nuit. C'est un roman qui parle de l'humanitaire, dont je venais, puisque j'avais passé des années à la Croix-Rouge. C'est un roman qui parle de la misère, de la pauvreté, et de l'extraordinaire contradiction qu'il y a entre porter secours et aimer. C'était absolument pas une comédie. Enfin, franchement, ça n'avait rien d'une comédie. Mais j'ai tout de suite été classé comme auteur de comédie, parce que mon premier roman était une comédie. Quand j'ai écrit « Une autre idée du bonheur », j'ai écrit un roman sur le mouvement du Weather Underground et donc sur le mouvement de la révolution de la jeunesse américaine dans les années 80. C'est un roman qui traite du racisme endémique aux États-Unis, de la violence policière, des persécutions. Bon, c'était un roman pour moi qui était très engagé. Quand j'ai écrit un roman qui s'appelait Si c'était à refaire, c'est un roman qui parle de la dictature argentine, des enfants disparus de la dictature argentine. Les enfants de la liberté, c'est un roman qui parle de la 35e brigade Moy. Je ne sais pas si vous voyez le saut dans l'axe entre si c'était vrai et les enfants de la liberté. Donc, 10 fois j'ai écrit des romans qui n'auraient pas dû marcher. Vous voyez, 10 fois j'ai écrit des romans qui n'avaient rien pour plaire au lecteur du roman précédent. Je peux pas me voir comme un auteur de best-seller, vous voyez, qui se dit tiens, ça marche, donc je vais recommencer. Je n'ai pas arrêté, vous voyez, de me défaire de tout ce qui, entre guillemets, de tout ce qui aurait pu marcher pour, vous voyez, pour réescalader la montagne comme un jeune alpiniste en attaquant une autre voie. Bon, j'ai eu la chance que mes romans se vendent, mais ça ne change rien au fait que je vis comme un artisan qui, vous voyez, qui reprend un risque à chaque fois. Chez ces romanciers-là, il y a une sorte de transmédia storytelling qui passe à la fois par un travail sur la posture propre, leur posture propre, telle qu'elle est travaillée dans la presse, qui est déjà très fictionalisée, qui est déjà, je parlais de ce scénario du petit artisan, enfin, il nous présente déjà une sorte de fiction très préficelée dans la manière dont même ils se vendent sur la scène médiatique, hein, contre d'autres figures possibles, l'artiste maudit, le petit entrepreneur, celui qui veut que les gens aillent bien, etc. Donc, il y a vraiment ce travail-là, et ce travail-là se retrouve aussi à l'intérieur même des best-sellers, hein. Donc, il y a toute une déclinaison sous la forme d'un transmédia storytelling, depuis le storytelling de l'écrivain face à la presse, jusqu'au best-seller, et ensuite on peut imaginer que c'est pensées, ces petites intrigues, hein, l'écrivain commercial seul contre tous, sont là pour ensuite être déclinées aussi en film, en série, etc. Donc, tout ça pour dire que je pense pas du tout qu'il faut ni mépriser, ni ne pas étudier, par exemple, bon, nos étudiants en plus sont très friands, parce que ce sont des consommateurs, en fait, de cette littérature. Hein. On dit souvent que... la littérature ne se lit plus. Bah, c'est pas vrai. Les best-sellers, justement, par définition, se lisent. C'est peut-être les classiques qui se lisent justement moins. En revanche, il reste un public de lecteurs pour tous ces best-sellers. Et donc, il faut les analyser de manière technique, analyser les ressorts narratologiques pour montrer que, finalement, c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on veut bien dire. On relève les invraisemblances. Or, en fait, les mécanismes narratologiques et la manière dont d'abord le lecteur est emporté par la fiction et aussi, et ça je pense que c'est le deuxième temps, c'est le best-seller deuxième génération, ce qu'on voit aujourd'hui, la manière dont l'écrivain se sert finalement du best-seller pour se défendre sur la scène médiatique, hein, pour donc prendre à partie le lecteur comme jury en quelque sorte de ce procès qu'on lui fait sur la scène médiatique, je trouve ça tout à fait intéressant. Et je vois là une sorte de famille dans les derniers best-sellers très français hein, que j'ai énumérés, Dicker, enfin Dicker est suisse, mais très francophone, Dicker, Fuenquinos, Musso, Lévy, avec plus ou moins évidemment d'habileté, on ne peut pas le nier, mais il y a toute une production qui est très clairement une production de mise en abîme de la défense du best-seller. Alors la première... chose dont je vais vous parler, c'est l'envie d'écrire. Christine Mercandier. Marc Lévy, il a commencé en 63 dans une collection de Robert Laffont qui était best-seller. La deuxième. Donc il a très certainement écrit au départ, et ça il ne veut pas qu'on en parle, mais à partir d'un cahier des charges. La deuxième, c'est l'histoire. Sur des ingrédients du best-seller qu'on connaît à peu près, parce que quand on regarde nous du 19e à nos jours, c'est à peu près toujours les mêmes attentes. Des lecteurs. Marc Lévy, moi je pense qu'il a, voilà, il rôde une façon de faire comme Musso le fait. C'est les personnages. Et c'est une forme qui marche. Voilà. Et un sixième, c'est la chute. Après, la septième, c'est la vie du livre. C'est une industrie du succès. Donc il n'est pas seul, c'est. Voilà, c'est une machinerie, c'est une machinerie industrielle. Donc, voilà. Et notamment, comment on fait pour se faire éditer et poursuivre le livre une fois qu'il est fabriqué. C'est pas la publicité qui fait vendre. Ça, il faut arrêter de se raconter qu'on crée des best-sellers avec du marketing, avec de la publicité. Ça, c'est une légende urbaine. Moi, j'ai connu ça il y a plus de 20 ans. Maintenant, la parution des particules élémentaires chez Flammarion, c'était en 1998, je ne me trompe. Et moi, j'ai entendu dire pendant un an, j'étais pas l'éditrice vraiment en charge de ce texte, mais je travaillais avec l'éditeur, donc j'ai beaucoup travaillé avec Michel à l'époque et sur le livre. Et pendant un an, j'ai entendu dire, ah, c'est un coup d'édition, c'est un coup marketing. Bon, 22 ans plus tard, Michel Houellebecq, c'est l'auteur français le plus lu dans le monde, c'est une star mondiale. C'était pas un coup d'édition, c'était pas Flammarion ou le directeur littéraire de l'époque qui avaient décidé d'en faire un best-seller et qui ont investi pour ça. C'est un ensemble, c'est un alignement de planètes. Alors, deux textes exceptionnels s'agissant des particules élémentaires, aussi d'un moment, d'une rencontre, plein de choses qui se conjuguent, des choses qu'on sent très en amont. Mais de se dire que parce qu'il y a des signaux, on va investir, c'est vraiment un raccourci, moi, que je trouve réducteur. Ok. Les écrans, le bruit, l'argent, les crédits, les phrases assassines, les cons, les cancers, le temps qui s'écoule, le vide qui se fait, le silence épais, la vie c'est la guerre tournée dans le tambour. Amour placebo, faire semblant pour tout, c'est violent partout, la vie c'est Rambo. T'as le souffle court. En tout cas, le premier signal, d'abord, c'est quand même une conviction d'éditeur. Alors, évidemment, quand on est éditeur, on a cette conviction pour beaucoup de livres. On a un enthousiasme, on a une conviction. Bon, simplement, on a cette intuition et cette conviction pour un certain nombre de titres. Et puis, la plupart du temps, ça ne fonctionne pas exactement comme prévu. Il y a beaucoup de best-sellers qui sont des non-sellers. Mais c'est vrai qu'au départ, il y a la conviction qu'on a un texte fort, qu'on a un texte qui est large, qui a une espèce de capacité à s'adresser à un public assez divers. Éventuellement qu'on a un auteur. Alors dans le cas de KL Faye, oui, il y avait un auteur qui qui était rappeur, qui n'était pas une célébrité, une grande célébrité, mais c'est vrai qu'il portait vraiment son livre. C'est quelqu'un qui a une grande présence, qui avait une certaine notoriété. Il y avait cet atout. C'est vrai que peut-être il faut des auteurs pour porter les livres, mais encore une fois, il n'y a pas de recette. Il n'y a que des cas singuliers en réalité. Il n'y a que des cas exceptionnels. Alors, par exemple, Petit Pays, 6 mois avant la parution, Gaël Faye est venu chez Grasset. On a fait le tour de la maison. Et on ouvrait les bureaux, je le présentais aux gens, et tout le monde était enthousiaste, tout le monde le serrait dans ses bras. Moi, j'en étais même presque ému, et j'ai dit à Gaël, ça, tu sais, ça, j'ai jamais vu ça. Et là, il s'est vraiment passé quelque chose. J'oublierai jamais ce jour-là, parce que, bon, moi, j'étais évidemment enthousiasmé par le livre, mais j'ai senti chez un certain nombre de mes collègues qui avaient lu très en amont, alors que moi, je leur en avais même pas encore parlé, à la fois la conviction sur le texte, puis la rencontre, puis quelque chose, une espèce de, comme ça, de sensation. Et ce jour-là, je me suis dit, ah oui, là, il se passe un truc inhabituel. Bon, et puis. Ça se déroule. Je minimise pas du tout les efforts marketing et la promotion. Mais encore une fois, si on pouvait fabriquer des best-sellers, ça se saurait. Espère. Quand les Sardineurs sont parus, Jean Roux, Lindon m'a dit on va en vendre 350. Moi, pas de problème. C'était pas mon objectif. Mon objectif, c'était qu'un type comme lui me reconnaisse comme écrivain. Et puis après, il y a eu l'effet des multiplications du prix. Première année, c'est 650 000 ou un truc comme ça. C'est un des gros. Ouais. Moi, j'étais pas dans la course au Goncourt parce qu'on n'avait pas envoyé le livre. Donc, on m'a fait rentrer dans la shortlist comme ça, 15 jours avant. Donc, le succès du livre s'est fait simplement par le bouche à oreille. Et très vite, ça a été un feu de brousse. Une semaine après, ça commençait déjà à cartonner. Donc ce sont les lecteurs de minuit, c'est-à-dire des gens avec une exigence littéraire, qui ont fait le démarrage du livre, qui ont allumé la mèche d'Amadou, là. Mais moi, je n'ai pas pris ça pour... encore une fois, ce n'était pas mon objectif de vendre. Tant mieux, etc. Mais mon objectif, c'était de créer une œuvre. Voilà. Et donc, en alignant les livres, les uns après les autres, c'est évident que les livres minuit ont tous marché, pas dans les proportions des champs d'honneur, mais si j'avais les tirages des livres suivants, je serais aujourd'hui vraiment très très très heureux. Mais encore une fois, c'était pas mon objectif. Mon objectif, c'était de construire une œuvre et de se retourner et de dire voilà, il y a quelque chose de cohérent où toutes les pièces se s'emboîtent et à la fin, normalement, on doit avoir une vue où on aura une vue ou on n'aura pas, mais enfin en tout cas, de ce qui s'est passé dans ce pays pendant 50 ans. Prenant bas, 14 premières. Vous n'avez jamais écrit d'œuvre de fiction, d'œuvre romanesque ? Non, je suis toujours très, très fasciné par le romanesque, mais je n'ai jamais eu une imagination assez structurée sur le plan de l'histoire, du récit. Bon, ça tient peut-être à des choses un peu plus inanimes, mais je serais incapable de dire « il » en parlant d'un personnage ou bien de lui donner un nom propre, par exemple. Ça ne passerait pas ma plume. Donc ce sont des choses comme ça qui peut-être m'arrêtent de faire des romans. J'espère. C'est le cas pour la septième fonction du langage, en fait, Laurent Binet, puisque c'est un livre qui a eu énormément de succès. Je crois qu'on peut parler de best-seller à partir du moment où on dépasse les 100 000. Alors que c'est un sujet qui pourrait aussi apparaître comme justement extrêmement élitiste et germano-pratin. Et en fait, non, ça a été un succès énorme. C'est ça, c'est-à-dire qu'on peut le lire à tous ces niveaux. En tout cas, c'est ce que j'ai essayé de faire, si vous voulez. J'ai eu envie de partager avec des lecteurs mon goût pour la sémiologie, la théorie littéraire, les théories du langage de Jacobson, et puis les actes de langage, des trucs assez compliqués, les théories sur le performatif, de Austin, etc., etc. Mais en même temps, j'avais envie de faire des scènes de western, j'avais envie de faire des scènes à la Bret Easton Ellis, j'avais envie de faire des scènes de poursuite en voiture, j'avais envie qu'il y ait des agents secrets bulgares avec des parapluies empoisonnés, etc., etc. Donc, oui, moi, j'ai voulu qu'il y ait ces deux niveaux et qu'on puisse lire ce livre comme un roman policier Et le cas échéant, si vous voulez sauter des pages un petit peu théoriques, vous pouvez le faire. Mais en même temps, mon idée de départ, c'était que la sémiologie, c'était la science du détective. Et donc, le défi, c'était pas simplement d'alterner, mais d'entrecroiser, d'entremêler et de faire fonctionner ensemble la machine. Et donc, mon idée de septième fonction du langage, c'était ça, c'était d'imaginer une septième fonction du langage aux fonctions du langage de Jacobson, qui tourne autour de l'idée de performativité, mais donc qui devienne une arme, en fait, une arme de pouvoir après laquelle tout le monde allait se battre. Et donc, d'une certaine manière, la septième fonction du langage devenait, pour moi, la métaphore du pouvoir du langage, mise en scène à travers des joutes oratoires que je voulais théâtraliser, dramatiser. Donc voilà, c'était ça le défi, oui. Et vous vous attendiez à un tel succès ? Ben non, mais alors tout le monde m'avait dit ouais bon c'est quand même un petit peu compliqué, on sait pas. Alors on me disait aussi oui enfin ça va intéresser des gens à Saint-Germain-des-Prés, mais bon, et en fait le livre a été traduit dans plus de 30 pays. Bon, déjà parce qu'en fait, la majorité des figures dont je parle, tous ceux qu'on appelle la French Theory, étaient plus connus, sont encore d'ailleurs plus connus. En France, on connaît les noms, mais aux États-Unis, on étudie toujours sur Derrida, Foucault, Deleuze, etc., etc. Bon, alors Barthes, tout le monde travaille sur Barthes en France, partout. Donc voilà, on m'avait prévenu, ça risque peut-être d'être un peu compliqué, etc., etc. Mais moi, l'exemple que j'avais en tête, c'était toujours le nom de la rose. Je disais, donc j'étais relativement optimiste parce que je me disais, Umberto Eco a vendu des dizaines de millions d'exemplaires dans le monde entier à partir d'une histoire de manuscrits d'Aristote perdus dans un monastère avec des moines au XIVe siècle, des figures de complète, enfin, de Bernard Dogui, etc., etc. Voilà, et donc pitché comme ça, ça n'a pas l'air forcément très très vendeur, et puis ça n'avait pas empêché le nom de la rose d'avoir beaucoup de succès. Donc j'étais raisonnablement optimiste. Enfin, moi je pars toujours du principe que, enfin, quand j'écris un livre, c'est que le sujet m'intéresse, et je me dis, si ça m'intéresse, il n'y a pas de raison que ça n'intéresse pas quelques autres personnes. Alors ensuite, ça peut être 10 ou 10 millions, mais bon, ça ensuite, c'est, enfin, disons, je suis content évidemment si c'est un succès, mais c'est, d'une certaine manière, c'est plus mon problème, quoi. Alors, on va se diriger vers le cabinet de travail qui est la pièce principale de cette demeure, puisque Zola a écrit 12 de sa série des Rougon-Macquart. Hein, c'était ce petit escalier par lequel Zola montait tous les matins à 9h, accompagné de son chien. Car seul le petit chien Pimpin ou Raton, ça dépendait aussi de l'époque, avait le droit d'entrer dans son sanctuaire, dans sa citadelle. Et c'est à cette table, devant cette grande baie vitrée qui domine la vallée de la Seine, que Zola écrivait tous les matins, de 9h à 13h, ses quatre pages de manuscrits. Il était fidèle à sa devise qui est inscrite sur la haute de cette cheminée somptueuse, « Nulla dies sine linea », aucun jour sans une ligne. Sylvie Ducas. Victor Hugo, on ne dit jamais. Victor Hugo, c'est l'incarnation, moi je trouve, par excellence, du grand écrivain dans l'imaginaire collectif. Victor Hugo, il commence comment ? Il commence comme auteur de best-seller. Notre-Dame de Paris, Les Misérables, le peuple se reconnaît dans ce peuple à moitié illettré, mais qui s'arrange pour qu'on lui lise ou qu'on lui parle des Misérables Notre-Dame de Paris. C'est un auteur, au départ, populaire. Son succès, il est populaire et il est massif. Il est ensuite, par sa carrière, par le fait qu'il rentre à l'Académie française, non pas comme auteur de romans, mais comme dramaturge pour la préface de Cromwell et comme poète, l'Académie française rejette le roman. C'est le roman qui a mauvaise presse. C'est le roman qui a mauvaise presse. Le best-seller, il est narratif, il est romanesque. C'est ce genre du roman qui a très longtemps été considéré comme un genre mineur. C'est comme ça que l'Académie Goncourt se crée, hein, contre l'Académie française, qui refuse de faire rentrer dans ses rangs les romanciers. Victor Hugo n'y rentre pas comme romancier. Balzac y est refusé. Zola a 24 fois demandé à entrer à l'Académie française, 24 échecs. Et le roman et le succès des prix littéraires, du roman, l'envie de lire, l'alphabétisation de la France se fait avec un goût de lire effectivement du Dickens ou du Walter Scott avant, etc. C'est cette fiction romanesque qui trouve aujourd'hui, je pense, dans le best-seller actuel, ses lettres de noblesse complètes. C'est lettres parce de qu'aujourd'hui, je pense que c'est du roman qu'on lit en masse, on le sait très bien. On lit du narratif, on lit du récit. On lit du roman. On lit du et narratif. Je pense que le best-seller depuis, on va dire, dès le roman feuilleton du 19e, c'est de la fiction romanesque. Oh, c'est ça que veulent les gens. Ton phare atroce, je ne trébuche pas. I won't stumble. Chevalier féerique. The fairy wreck hurrah for the unattainable alchemy and the marvelous body. Pour la première fois. For the first time. Il y a, je crois, une particularité aussi dans le domaine anglo-saxon. Il y a un article où un texte de Valérie Larbaud qui dit ça de manière très. On est au début du 20e, hein. Et Valérie Larbaud, Julie, est un grand Wolkenstein. Amateur de recherche formelle. Il se passionne très vite pour Joyce. Enfin, c'est quelqu'un qui est tout à fait attiré aussi par cette remise en question. Mais il écrit dans un texte, je ne sais plus très bien où ça se trouve, que je crois qu'il parle de l'Angleterre et dit là-bas, il n'y a pas cette sorte de dichotomie entre la littérature, avec une majuscule qui s'adresse à un public cultivé, à une élite, et la littérature populaire. La littérature, c'est une sorte de bien commun et il n'y a pas cette sorte de hiérarchie et donc de clivage entre ce qui est de la littérature et ce qui n'en est pas. Il n'y a pas les happy few d'un côté et les lecteurs lambda de l'autre. Et je me demande si ça, c'est pas resté vrai, en fait, encore aujourd'hui, s'il n'y a pas une plus grande absence de hiérarchie et donc de sanctions que formuleraient certains écrivains et qui eux prétendraient à des recherches formelles et à un questionnement constant sur leurs pratiques et puis les autres romanciers, comme c'est peut-être plus le cas en France. À vrai dire, je trouve qu'en France, on valorise de plus en plus le succès aussi, et moi, je le constate aussi, même professionnellement, on va dire, c'est un bon éditeur parce que il a fait un best-seller. Juliette Jost. Bon, ça peut se discuter. Donc, je pense qu'on évolue dans ce sens-là. À l'inverse, c'est vrai que, ouais, en France, il y a quand même une vénération de la littérature et du texte et de l'importance du livre qui font que ça reste l'objet de débat, ça reste effectivement, un secteur dans lequel il y a des clivages, dans lequel on va dire ça c'est trop populaire, ça c'est très élitiste, ça fait partie aussi d'une spécificité nationale et d'un exercice et d'un jeu qui a ses limites, parce qu'encore une fois souvent on parle de catégories un peu simplistes et c'est réducteur. En même temps, c'est ce jeu du monde littéraire français qui est aussi ce qui fait qu'on a une rentrée littéraire de très dynamique, qu'on a une très très grande variété quand même éditoriale. Donc oui, il y a cet élitisme en France, mais je trouve que ça participe quand même encore d'une certaine vitalité et c'est quand même plutôt sain, même si parfois, oui, ça induit de chez certains un mépris. Chez certains, d'ailleurs, ce matin, un auteur me parlait avec un certain mépris de certains de ses collègues, lesquels collègues, je pense, le situent lui-même dans la même catégorie. Donc bon, voilà, c'est des petits jeux franco-français et tout va bien. Le mohair chauffe les dos, chandail moelleux. On s'assoit là et on boit du thé. On boit du thé. Le triomphe du best-seller. Saveur griotte. Avec les voix de Virginie Grimaldi, Cyprien, Bernard Weber et Michel Houellebecq. Sylvie Fourbi. Avec Sylvie Ducas aussi. Marc Lévy. Le Marie-Ève Terranti. Julie Wolkenstein, Laurent Binet, Jean Rouault, Juliette Jost et Martine Leblon-Zola du musée Zola Dreyfus. La tartine coule, orange, pain. Coordination Perrine Quervran et Marie-Vonne Abolivier. Merci à Marina Decaux de Vina. Prise de son Claire Levasseur et Cédric Châtelus. Mixage Philippe Mercher. La lumière douche les cheveux, mèche. Le triomphe du best-seller, Christelle Flotek et Nathalie Batus. Et on tresse les mots, syllabes balbutiées,